Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Le roman de Saint-Louis, c'est le titre de la biographie à la première personne que fait paraître Philippe de Villiers chez Albin Michel. L'occasion pour Franck Ferrand de revenir sur le plus admiré des rois de France. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Voilà un livre qui se classe d'emblée dans le palmarès de l'Express, au bout de seulement deux semaines après sa parution. Ce qui veut dire qu'il y a encore un engouement pour la grande histoire et pour la grande épopée. J'en suis ravi. Alors hier, nous parlions des cathédrales à ce micro. Nous étions exactement dans le siècle de Saint-Louis, nous n'avions pas poussé les portes du palais. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Stéphane qui s'interroge sur l'origine de l'enseigne des bar-tabac. Oui, la fameuse carotte. En attendant, bienvenue dans un univers de chevaliers et de gentes d'âmes, de croisades et d'expéditions contre les cathares. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Jusqu'au milieu du dernier siècle, je veux bien parler du 20e siècle, alors que la très longue période médiévale paraissait encore plongée dans les ténèbres, le règne de Saint-Louis faisait un peu figure d'exception. On avait l'impression d'un rayon de soleil jeté sur ce 13e siècle, considéré sans doute avec raison comme l'apogée de cette civilisation occidentale en général et de la culture française en particulier. Or, nous avons vu hier jusqu'où cette conception d'ailleurs pouvait être parfaitement défendue. Depuis qu'on a remis le Moyen-Âge à l'honneur, depuis que tous ces siècles que l'on a si longtemps considérés comme obscurs se sont d'un seul coup illuminés, ont été rendus à la mémoire commune, eh bien c'est un peu l'inverse qui se passe. L'époque de Saint-Louis est devenue non seulement, alors évidemment personne ne remet en cause la dimension prospère, la puissance, le raffinement de ce règne, mais évidemment on en conteste un certain nombre d'aspects, à commencer bien entendu par la fameuse croisade contre les Albigeois. Vous savez, en Occitanie, tous ceux qui de près ou de loin défendent les cathares, évidemment n'aiment pas Saint-Louis. On l'accuse depuis quelques années d'être également très anti-judaïque. Nous reviendrons bien entendu sur ces questions, mais nous verrons que l'existence de Saint-Louis, l'existence de Louis IX va bien au-delà de tout ça, et que ce roi illustre à lui tout seul un certain nombre des vertus médiévales. Alors, il n'est pas né n'importe quand, ce personnage. Il a vu le jour en 1214, c'est-à-dire l'année même d'un événement clé pour le devenir du royaume, la victoire de Philippe Auguste à Bouvines. Vous savez, ça fait partie des incontournables lorsqu'on fait des études d'histoire, mais il faut conseiller cette lecture à nos auditeurs parce que c'est très fort et très enrichissant, ce dimanche de Bouvines de Georges Duby, où d'un seul coup c'est un siècle entier qui se trouve décrit à travers l'événement fondateur de cette bataille de Bouvines, victoire du roi de France sur l'empereur Othon IV et ses puissants alliés, le roi d'Angleterre et le comte de Flandre. Voici donc établi grâce à cette bataille la primauté de la monarchie capétienne sur la France au centre de l'Europe occidentale. Quant à l'année de la mort de Saint-Louis, 1270, eh bien elle aussi, figurez-vous, marque un point d'inflexion. On va y revenir évidemment, mais 1270, c'est l'année de la 8e et dernière croisade. Autant dire la fin d'une époque et assez vite l'écroulement de tout l'état d'esprit qui allait avec. Voici donc une vie exemplaire, balisée par Bouvines et par la dernière croisade et illuminée par ces fameuses cathédrales dont nous parlions hier. Alors, je regardais ce matin une carte du royaume de France au temps de Saint-Louis. Il faut bien avoir à l'esprit qu'à l'époque, le domaine royal est extrêmement limité encore. Il représente l'île de France, la Normandie, la Sologne, une partie du Val-de-Loire, plus la région de Carcassonne et celle de Nîmes. Tout le reste du territoire français tel que nous le connaissons est encore à l'époque tenu par ces grands seigneurs féodaux qui certes sont des vassaux du roi de France, mais n'en conservent pas moins la suzeraineté sur la Bretagne, l'Anjou, le Poitou, la Guyenne, le Toulousain, le Périgord, l'Auvergne, la Bourgogne, la Champagne, l'Artois et j'en passe et des meilleurs. Au risque de me répéter, car j'ai souvent eu l'occasion de dire ça à ce micro, nous sommes encore dans ce XIIIe siècle en plein système féodal, assez éloigné de nos conceptions modernes. Il faudrait, pour bien faire, se remettre complètement dans l'esprit de l'époque. C'est ce que fait d'ailleurs, au moins en partie, parce qu'on ne peut pas complètement faire une plongée dans le XIIIe siècle, on serait totalement perdu, mais c'est ce que fait l'ouvrage de Philippe de Villiers, cette capacité à revoir les événements, les personnes, le contexte, l'univers, à travers les yeux de nos ancêtres. Justement, Saint-Louis est un des premiers à asseoir la tutelle royale sur les grands vassaux et sur les communes libres, chose extrêmement importante. On commence seulement à contrôler les comptes à cette époque-là, mais c'est l'instrument par lequel la monarchie va prendre barre sur l'ensemble des pouvoirs qui la mettent en cause. Alors, c'est vrai que sous les devanciers de Louis IX, je pense à son grand-père évidemment, Philippe Auguste, et à Louis le Lion, son père, qui a fort peu régné, le domaine royal déjà s'était agrandi. Et puis on en avait envoyé des préfets, si j'ose cet anachronisme. Il y avait des baillis en pays d'Oyle au nord, des sénéchaux en pays d'Oc au sud, et on avait aussi, et ça il faut rendre hommage à cela à Philippe Auguste, on avait repris aux Anglais l'ouest de la France. Le royaume, je l'ai dit, à ce moment-là est prospère, d'où une démographie qui d'un seul coup explose. Paris, la capitale, qui est une capitale encore de relativement fraîche date, s'est développée, s'est embellie à l'ombre de la fameuse muraille de Philippe Auguste. Vous savez, Paris à l'époque, c'est la cité, bien entendu, qui est le siège du pouvoir royal et surtout épiscopal. Et puis, sur la rive droite, les Halles, le port de Grève, enfin tout ce qui est économique, si vous voulez. Et sur la rive gauche, la pointe, le triangle gauche, c'est la cité universitaire, c'est l'Université de Paris, qui du reste va jouer un rôle tellement important sur la théologie et sur la philosophie de cette époque. Quand vous regardez l'ensemble, ça fait la forme d'un cœur. C'est André Castelot qui me disait « quand Paris avait la forme d'un cœur ». Culturellement, la littérature est brillante, les arts décoratifs fleurissent, on construit, nous l'avons vu, des cathédrales. Bref, le royaume est relativement en paix avec ses voisins. À l'intérieur, Louis VIII a porté un coup décisif au Qatar avec cette croisade contre les Albigeois qui s'achève en 1229. C'est donc un royaume plus grand, plus pacifique, plus prospère, dont hérite le jeune Louis IX à la mort prématurée de son père, parce que au moment où le lion meurt, celui qui va devenir Saint-Louis n'a encore que 12 ans. Minsang sur Europe 1, un extrait de Chant d'amour du XIIIe siècle. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous contez la vie de Saint-Louis. Alors ce jeune homme, évidemment, au moment où il devient roi de France, évidemment, pendant toute sa minorité, va se trouver sous la tutelle de sa mère. Et il faut rendre grâce à Philippe de Villiers de nous avoir parlé de Blanche de Castille comme on ne l'avait pas fait depuis longtemps. Ça, je trouve ça bien, parce que cette reine-mère d'origine castillane a joué un rôle très important. Son énergie, son autorité, son charisme en font un grand personnage, à l'image de sa propre grand-mère, Aliénor d'Aquitaine, mon personnage fétiche, vous savez. Alors elle est là pendant non seulement la minorité de son fils, je vous l'ai dit, mais pendant toute sa jeunesse, au moins jusqu'au mariage de 1234. 1234, Saint-Louis a donc 20 ans. On peut parler, les historiens parlent de co-monarchie, et pendant la longue absence de Saint-Louis pour cause de croisade de 1248 à 54 tout de même, Blanche de Castille va constamment être sur la brèche, et évidemment ça va lui faire beaucoup d'ennemis. Voilà ce qu'écrit Philippe de Villiers. À chaque vesprée, alors c'est Saint-Louis qui parle, hein, comme s'il racontait lui-même sa propre épopée. À chaque vesprée, ma mère, qui avait le bail du royaume, mais aussi celui de ses enfants, venait nous visiter après Compli. Nous l'attendions, Nos impatiences portaient vers elle notre tendresse. Elle nous prenait dans ses bras, elle appelait ses fils ses petits Capétiens, et Isabelle son trésor de Castille. Elle lui offrait souvent un chapel de fleurs fraîches au parfum de Tolède. Avec sa petite cotte de soie blanche et sa couronne de violette, Isabelle caracolait dans les jardins du Louvre. C'était grand ravissement de l'ouïr chanter un virelet ou un rondeau sous les sycomores de Chypre. Le seigneur Bouteiller la dénommait la reine du petit palais. Elle seule avait encore le pouvoir de faire rire ma mère, accablée qu'elle était par les affaires du royaume. Car Paris était devenue la capitale de la rumeur. La rue se vautrait dans les débordements de boue. L'ironie allait son train, emplissant ses fioles de venin au bourg Saint-Germain, puis les vidant à Saint-Sulpice. On chargeait les ânes de mots douteux et de petits bestiaires cinglants. On lâchait les pourceaux dans le caniveau. Les ménestrels brandissaient le roman de renard. Ils y désignaient une figure qui, selon eux, ressemblait trait pour trait à ma mère, la femelle du loup d'Amersant. Le sobriquet s'échappa des tavernes, courant les quartiers, puis les campagnes. Cette d'Amersant, néanmoins, laisse dire, si je puis ainsi m'exprimer, et elle va mater les révoltes des grands féodaux, celles des comtes de Champagne, de Bretagne, bien entendu. Il faut dire qu'elle est bien entourée. C'est sous sa tutelle, on peut pas dire vraiment sa régence, sous son magistère d'une certaine manière, que le temps des grandes principautés va toucher à sa fin. Et encore dans les années 1240, encore à cette époque, c'est elle qui conseille son fils, qui lui insuffle la force de résister à certains grands féodaux et de vaincre. Cette histoire, finalement, l'histoire de ce règne, c'est l'histoire de l'installation d'un État moderne face à des résistances de toutes sortes. La dernière grande bataille menée par Louis IX contre un prince chrétien, c'est celle de Tilbourg en 1242 qui marque une grande victoire sur Henri III d'Angleterre, et d'ailleurs le début des désordres en Angleterre. Désormais, Louis IX va pouvoir se consacrer à la guerre contre les infidèles. Alors les infidèles, ce sont ceux de l'intérieur, les hérétiques, les derniers cathares, on va y revenir tout à l'heure, et puis ce sont surtout à l'époque les musulmans, et les 7e et 8e croisades vont évidemment rester attachées au nom de Saint-Louis. Je ne sais pas si vous voyez à quoi il ressemble physiquement, ce Saint-Louis. Il faut l'imaginer grand, mince, les cheveux blonds, les yeux pâles, un teint également assez pâle, avec un visage émacié, un personnage longiligne qui finalement a l'air assez fragile, même s'il est beaucoup plus résistant qu'il n'en a l'air, avec la barbe en pointe. Il est, si l'on ose dire, assez conforme au statut des rois de l'Ancien Testament, tels qu'on les représente à l'époque sur les porches des églises, des cathédrales gothiques. Quand je parle de santé fragile, il tombe malade en décembre 1244, et il forme le vœu, s'il s'en sort, de se croiser. Vous voyez que l'esprit de croisade est encore là. J'ai envie de dire, il est surtout dans l'esprit de Saint-Louis, parce qu'à l'époque, on est passé outre, déjà. Et bien sûr, il va se rétablir et il tiendra parole. Je suis en train de vous parler de Saint-Louis. Il ferait beau voir que Saint-Louis ne tint pas parole. Il va donc quitter la France par Aigues-Mortes. À l'époque, la mer venait jusqu'à Aigues-Mortes, vous savez, en août 48. Il hiverne à Chypre. Il débarque en Égypte en juin 1249, à la tête d'une imposante armée. On appelait ça à l'époque l'os des Francs. Et il va prendre Damiette. Là, le sultan d'Égypte est prêt à négocier. Il est prêt à lui restituer Jérusalem en échange du départ des croisés. Seulement, Saint-Louis refuse. Enfin, il n'est pas encore Saint-Louis. Louis IX, devrais-je dire. Le 8 février 1250, il se met en marche vers le Caire. Il arrive aux environs de Mansoura, sur la rive nord du canal du Nil. Et là, il va se confronter à la plus puissante des armées égyptiennes. Franck Ferrand, 14h, 15h. Sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Saint-Louis. Alors, je ne vais pas vous raconter la célèbre bataille de Mansoura. Je vous laisse aller la lire telle que l'a décrit Philippe de Villiers. Encore une fois, c'est Saint-Louis qui parle. « Dans la mêlée où je me trouve moi-même engagé, écrit le roi, je combats isolé de mes chevaliers. Les Sarrasins m'entourent. Plusieurs d'entre eux ont saisi les rênes de mon cheval et tentent de l'entraîner. Je réussis à me dégager. J'exhorte ma jante. Je hurle encore un peu plus fort. Le destin hésite. » Oh, il n'hésitera pas très longtemps. Il finira par donner, en tout cas dans un premier temps la victoire au roi de France qui, au-delà d'une forme de pèlerinage en Terre Sainte, va accomplir là ce qu'il faut regarder comme une forme de sacerdoce. Ça, c'est essentiel pour comprendre la personnalité, pour comprendre l'ambition véritable de Saint-Louis, qui serait du reste bien longtemps resté en Palestine s'il n'avait fini par apprendre au printemps 53 le décès de sa mère, survenue 5 mois plus tôt. Alors là, il faut rentrer à Paris, bien entendu. Il quitte Acre le 25 avril 1254 et fera son entrée dans Paris le 4 septembre. Oui, on voyageait pas à l'époque, le low cost n'existait pas, mais les voyages rapides non plus, évidemment. Et, alors ça pourrait presque être une surprise quand on connaît tous les détails d'une croisade sur laquelle, comme vous l'avez vu, je viens de sauter à pieds joints, Paris accueille le roi avec des débordements, des transports de joie et de liesse. On peut dire que maintenant, et avec la mort de sa mère et l'extraordinaire aura dont vient de l'auréoler cette campagne, cette croisade, Louis IX va pouvoir commencer son règne personnel. Un règne, et nous allons y revenir dans tout le détail, bien entendu, qui se déroulera sous le triple auspice des attributs du sacre, de la couronne, du sceptre et de la main de justice, à savoir la foi, la justice et la paix. La foi, bien sûr, pour cet homme qui se veut, et ce souverain qui se veut avant tout, un modèle de chrétien, bien entendu, avec parfois d'ailleurs un autoritarisme, une rigidité d'esprit sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir, avec aussi cet extraordinaire élan mystique qui va le conduire à constamment rechercher notamment les reliques de la Passion, et rappelez-vous la Sainte Couronne d'Épines qui va donner naissance à l'admirable Sainte-Chapelle. Alors ça, c'est tout la dimension chrétienne tellement essentielle et centrale dans ce règne. Et puis, le roi de justice, on a tous à l'esprit, l'image d'Épinal de ce roi rendant la justice sous le chêne de Vincennes, mais il y a effectivement, sous ce règne, une véritable avancée de la justice royale. Roi de paix, enfin, qui va interdire les guerres privées, ce qui change tout, parce que jusqu'alors on passait son temps entre seigneurs locaux à se faire des guerres, des espèces d'escarmouches de guerre, mais enfin, qui avait pour effet de complètement effondrer tout effort de civilisation et d'économie. Interdiction des guerres privées, lancement d'un certain nombre de procédures d'arbitrage, ce qui a quelque chose d'extraordinairement moderne, bien entendu, et grâce à cette paix, eh bien, l'initiative qui se met partout à fleurir, les arts, la pensée qui s'épanouit, on parlait hier de Chartres, Bourges, Amiens, toutes ces grandes cathédrales, les manuscrits enluminés, il faudrait en parler aussi, ça c'est tout à fait extraordinaire. Et qui viennent enluminer du reste les grands sermons de ce siècle. Je pense au franciscain Saint Bonaventure, par exemple. On est aussi, je vous en ai dit un mot tout à l'heure, à cet apogée de l'Université de Paris, qui n'est pas seulement la faculté de théologie de Paris, mais qui, d'une manière générale, est un véritable creuset, un foyer de civilisation, un bouillon de culture, qui voit affluer dans l'île de la Cité, sur toute la rive gauche, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, le quartier latin, et ça vient de là hein, d'ailleurs, le quartier latin, qui voit affluer des écoliers, comme on disait, de toute l'Europe. Cette paix entraîne une prospérité qui, rendue plus voyante peut-être par le marasme qui va lui succéder au 14e et au 15e siècle, siècle beaucoup plus difficile, une paix, une prospérité qui vont laisser cette image d'un âge d'or, apogée de la France médiévale, ce qu'on appellera le bon temps de Monseigneur Saint-Louis. Bonjour Philippe de Villiers, nous allons ensemble évidemment raconter la fin de la vie de ce personnage, parce qu'il y aura une deuxième croisade après la première, au cours de laquelle va mourir Saint-Louis, bien entendu, dans des conditions extraordinaires, et que vous allez nous raconter avec vos mots, qui sont un peu les mots du XIIIe siècle. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi de Saint-Louis. Avec vous Franck Ferrand et votre invité Philippe de Villiers, créateur et scénariste du Puy du Fou, auteur du roman de Saint-Louis aux éditions Albin Michel. Bonjour Philippe de Villiers, je viens de vous dire bonjour, mais vous n'avez pas eu l'occasion de me répondre. Voilà, parce que j'ai envoyé la publicité avant que vous ne répondiez. J'étais sur cette fin du règne de Saint-Louis tout à fait extraordinaire. Voilà un homme qui est devenu en quelque sorte l'arbitre de l'Europe, qui fait avancer partout le pouvoir royal à travers un domaine de plus en plus étendu et un royaume qui s'unifie. Et puis, un homme qui reste fidèle à ses engagements de chrétien avant tout. Alors, on l'a vu dans une première croisade, mais il va repartir dans une seconde ensuite. Alors, pour Saint-Louis, la frontière de la chrétienté latine, c'est le Jourdain. C'est le berceau du christianisme. Ô Jérusalem, ô Jérusalem. C'est ce qui s'appelle repousser assez loin les frontières, ça, quand même. Oui, mais à l'époque, l'Orient était premier. C'est là que, à Jérusalem, le Christ est mort et ressuscité. Et Saint-Louis, toute sa vie, voulait rejoindre la terre des apôtres, qu'on appelait la terre de promission. Il avait trois objectifs. Rétablir la liberté de la route des pèlerins, rétablir la liberté d'accès au Saint-Sépulcre, et enfin, protéger les chrétiens d'Orient. Et pourquoi il repart une deuxième fois? Parce que il reçoit un message de son représentant, Geoffroy de Sargines, qui est resté là-bas, à Acre, et qui lui dit « Sire, tout est perdu. Il n'y a plus qu'un seul rempart, il n'est pas de pierre, c'est vous. » Et donc, il considère que la parole de la France, qu'il avait déjà donnée, avec sa première promesse de son premier séjour, la France du Levant, lui fait l'obligation d'y retourner. Il rassemble sur la Montjoie tous ses chevaliers et il leur annonce au dernier moment sa décision d'aborder à Tunis. C'est déjà un homme qui a plus de la cinquantaine, là. Ça n'est plus le jeune roi qu'on avait vu partir la première fois. Hein. Il est né en 1214 et nous sommes en août 1263. Quand il décide de partir, c'est en 1267. La chute dont vous parlez, c'est 1263, effectivement. Mais en 1267, il prend la décision de partir. Il met 3 ans pour se préparer. Et au dernier moment, il annonce sur la Montjoie, ça sera Tunis. Alors pourquoi, en fait? On a dit c'est parce qu'il faisait une erreur de mauvais géographe. Non. En fait, c'est parce que Saint-Louis, sous l'influence du Poverello d'Assise, Saint-François d'Assise, et des Dominicains, les ordres mendiants, qui émergent. Qui sont tellement importants à cette époque. Très importants. Sous leur influence, Saint-Louis considère qu'il faut doubler l'opération militaire d'une mission apostolique. Ça, c'est très nouveau. Substitué à la conquête des armes, la conquête des âmes. Or, il reçoit un message du sultan de Tunis, Mohamed Mostanser, qui le supplie de venir pour le chrétienner. Et il demande à être chrétienné. Et pour Saint-Louis, il est prêt à vivre le restant de sa vie dans les geôles de Tunis, pourvu que le peuple de Tunis retrouve l'esprit de Saint-Augustin, de Sainte-Félicité, de Sainte-Perpétue, c'est-à-dire retrouve le fil. Les pères de l'Église de qui étaient en Tunisie au IVe siècle. Hein, au IVe siècle, voilà. Et donc il décide de partir à Tunis. Le débarquement se passe correctement. Il installe le campement dans une vallée de sable. Au-dessus, il y a les dunes. Et sur les dunes, les Sarrasins prennent des grandes pelles, attendent le vent, et quand le vent est dans la bonne direction, c'est dans la direction des preux, ils ramassent du sable et ils l'envoient avec des nuages de poussière qui aveuglent les chevaliers chrétiens. Les chevaliers ont soif, on cherche un point d'eau, il n'y en a pas. La maladie se met sous les tentes. Saint-Louis lui-même ressent une incommodité qui lui gagne l'épaule. Il a l'impression d'avoir un rat monstrueux qui lui déchire les viscères. Flux de ventre, élancement. Il demande à voir son fils, Jean Tristan d'Amiette, qui est né à d'Amiette lors de la première croisade que vous évoquiez tout à l'heure. On lui fait comprendre que ça n'est pas possible, qu'il est parti prendre l'air du large sur une nef, parce qu'il est malade. Et puis on finit par lui avouer, « Sire, votre fils est mort. » Il avait 20 ans, ce fils. Il avait 20 ans. C'était une mutilation terrible. C'est un peu comme Delatte quand il apprend la mort de son fils Bernard. Il pense à sa femme. Il dit, Vonnette, tu vas m'en vouloir, tu vas m'en vouloir. Et elle, lui, il pense à Marguerite. Il dit, tu vas m'en vouloir, tu vas m'en vouloir. Pourquoi j'ai emmené ce fils? Ça n'était pas prudent. Et il défaille. Il est malade, gravement malade. C'est la fin. Lorsqu'il se réveille de sa pâmoison, il voit autour de lui des cierges suppliants, vacillants, une tente qui est devenue une chapelle ardente, un grand concours d'affection, la main de sa fille dans la sienne qui pleure, sa fille Isabelle, sa chère Isabelle. Il regarde fixement le crucifix qui vacille à la cordelette dans les vents de sable. son physicien, son médecin, Dudon, tente de porter à ses lèvres un broc de bouillon de poule, mais il ne peut plus rien boire. Il voudrait recevoir l'hostie, fait signe de la recevoir à genoux, on le descend de sa planche et le voilà allongé dans une longue chemise de lin trempée sur un lit de cendre, les bras en croix pour être configuré au roi des rois. Roi de poussière, tu retourneras à la poussière. Sa fille se penche pour guetter le dernier murmure et elle l'entend qui appelle toute sa chevalerie du fond de l'avenir, qui lui lance un appel impérieux. Beau sire, Dieu et merci de ce peuple, ne laisse jamais choir la France, je t'en supplie. Ô Jérusalem, ô Jérusalem. Sur ses larges bras étendus, la forêt où s'éveille Flore a des chapelets de pendus que le matin caresse et dore. Ce bois sombre où le chêne arbore des grappes de fruits inouïs, même chez le Turc et le Maure, c'est le verger du roi Louis. Tous ces pauvres gens morfondus, roulant des pensées qu'on ignore, dans des tourbillons éperdus, voltigent palpitants encore. Le soleil, le vent les dévore, regardez les cieux éblouis, danser dans les feux de l'aurore, c'est le verger du roi Louis. C'était un extrait du Verger du roi Louis, interprété par Georges Brassens, d'après un poème de Théodore de Banville. On est décidément dans la poésie. Si certains se demandent si Philippe de Villiers a écrit son livre, parce que vous savez qu'il y a un certain nombre d'hommes politiques qui n'écrivent pas leurs livres, eh bien, avec le numéro, pardonnez-moi l'expression, avec l'inspiration dont vous venez de témoigner à ce micro, là, il n'y a aucun doute sur la question. Je précise à nos auditeurs que vous n'étiez pas en train de lire, bien entendu, que vous étiez complètement dans l'inspiration et je vous ai laissé conduire le Saint-Louis jusqu'à sa dernière demeure, d'une certaine manière. Alors, cinécénie littéraire. C'est ça, voilà, on est au Puy du Fou en direct, c'était formidable. Alors, je n'ai pas l'intention, après cela, de revenir sur les causes réelles de la mort de Saint-Louis, comme le fait le docteur Jacques de Blauve, dans son très bon ouvrage, hein, « De quoi sont-ils vraiment morts ?» J'ai eu l'occasion de vous en parler plusieurs fois. Je pense qu'on va passer au-delà, maintenant, et venir, alors d'abord, à cette langue, justement, Philippe de Villiers. Ce qui m'a frappé, c'est l'utilisation constante dans votre roman, mais qui n'est pas un roman, hein, on a bien compris que c'est en quelque sorte une biographie de Saint-Louis à la première personne, l'utilisation constante de termes qui sont tout droit sortis du Moyen-Âge. Vous en aviez fait un véritable bouquet. En fait, j'ai d'abord lu tout ce qui avait été écrit sur Saint-Louis depuis le XVIIe siècle, depuis le nain de Tillemont. Et puis, tout à coup, j'ai eu le sentiment qu'il fallait aller à la source, c'est-à-dire au contact des mémorialistes et des chroniqueurs de Saint-Louis, puisque Saint-Louis est le premier roi qui a parlé au quotidien. Donc Guillaume de Saint-Pathus, Guillaume de Nangis, Guillaume de Chartres, Joinville naturellement. On a tous ces chroniqueurs, ça c'est formidable. Et Mathieu Paris, etc. Pour les historiens, c'est idéal, bien sûr. Et alors, je me suis dit, je vais faire un effort, je vais les lire dans leur langue du moment. J'ai été récompensé puisque je comprenais pas tout, mais les mots, le suc, la couleur, le relief, évidemment m'ont mis en alerte. Et je n'ai pas écrit ce livre avec des mots de l'époque pour, comment dirais-je, ajouter une espèce de tonalité supplémentaire. Non, j'ai écrit avec ces mots-là. Ça n'est pas que de la musique, en fait. Hein. Non, ce n'est pas que de la musique. J'ai écrit avec ces mots-là parce qu'ils me paraissaient plus expressifs, c'est-à-dire plus accessible, en fait, que les mots d'aujourd'hui. Quand vous dites « prendre une franche repue au quartier latin à la montagne Saint-Geneviève », on comprend. Quand vous dites « les cocardoses et les jouvencelles espoitrinées », Céline, on comprend. Quand vous dites « écraser l'anglais », bon, c'est banal, mais « écrapoutir l'anglais », là, il y a de la gourmandise. Quand vous dites la maldisance ou encore la sapience, les frères mendiants qui devinrent les maîtres de sapience, ça, et donc cette langue qui en fait venait tout droit du sillon et de l'établi, de l'atelier, était une langue en 3D. Cette langue de sapience, c'est celle de la sapientia de Barthes. Un peu de savoir, un peu de sagesse et le plus de saveur possible. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Toujours au cœur de l'histoire de Saint-Louis avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Philippe de Villiers, créateur et scénariste du Puy du Fou, auteur du roman de Saint-Louis aux éditions Albin Michel. On vous a écouté, Céline, puisque les auditeurs sont nombreux à réagir. Marcus nous dit via Twitter « Merci, votre émission du jour me donne envie de relire Joinville. » Et le musée des Invalides nous signale, nous rappelle par ailleurs qu'on peut découvrir le tableau de la mort de Saint-Louis sur le site du musée de l'armée, en collection.musée-armée.fr. C'est le tableau de Georges Rouget. En l'occurrence, moi je pense à un autre tableau, celui qui est dans la galerie des batailles du château de Versailles, évidemment, c'est la bataille de Taillebourg par Delacroix, qui est une sorte de symphonie d'explosion de couleurs tout à fait extraordinaire. On parlait de saveur à l'instant, voilà un tableau très savoureux. Et sur la couverture de votre ouvrage, Philippe de Villiers, vous avez fait figurer le portrait équestre de Signol, où le roi est magnifique, mais on ne sait pas exactement, on n'a pas de portrait évidemment de Saint-Louis. On ne peut pas avoir exactement savoir à quoi il ressemblait. Si, par les mémorialistes. C'est donc des portraits littéraires, on va dire. Hein. Oui, mais enfin, qui sont des descriptions assez précises. Il avait moult grande taille. Il mesurait 6 pieds de haut. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup pour l'époque, oui. Il avait le chef inondé de blondeur aux épis d'or. Le chef, c'est la tête. Il ressemblait beaucoup à sa grand-mère, Isabelle de Hainaut. Et il avait le sang froid du Hainaut, le sang froid du Nord, et il avait le sang chaud de la Castille, ce qui lui donnait un tempérament composé, à la fois impérieux et imprévisible, secret et très expansif, puisque sa mère, Blanche de Castille, était une enjôleuse de ce midi qui met un soleil, un feu brûlant dans le sang des filles. Et elle était elle-même très bouillante, et c'est une des influences qu'a reçu Saint-Louis. Saint-Louis a dans son sang, qui coule dans son sang, le sang de Charlemagne. Philippe Auguste l'appelle le petit Charlemagne. Et il reçoit les leçons de ses deux grands-pères, et quand il saute sur les genoux de ses deux grands-pères, l'un lui parle de l'Europe, Philippe Auguste, qu'il a vaincu, et l'autre lui parle des Sarrasins, les morts, M-A-U, Alphonse VIII de Castille, qu'il a vaincu à la bataille de Las Navas de Tolosa, c'est le début de la Reconquista, le 27 juillet 1212, c'est-à-dire 2 ans avant la naissance de Saint-Louis. Et Saint-Louis est élevé par sa mère, qui lui apprend chaque jour à ponctuer par des hymnes l'aurore qui pointe, le midi qui triomphe et les ombres qui descendent. Des hymnes, c'est-à-dire des chants religieux à l'époque. Par des chants religieux. Et elle lui apprend une chose importante. Tout rapprochement avec une actualité des personnages d'aujourd'hui était pure coïncidence, comme on dit dans les films. Un roi illettré est un âne couronné. Et donc, elle le cultive, elle lui donne un psautier de la reine Ingeborg, et très très vite, à l'âge de 6 ans, on lui confie des livres, et rapidement il connaîtra l'histoire du roi de Hongrie, oui, etc. Vous nous le montrez non seulement beau au dehors, mais beau au dedans, en quelque sorte. Oui, mais contrairement à ce qu'on croit, c'est, à un moment donné, il parle avec Robert Sorbon, son grand ami, fondateur de la Sorbonne, enfin, bien sûr. Et ils disent tous les deux, il vaut mieux être un roi prud'homme qu'un roi dévot. La réalité, il a été canonisé parce qu'il y a eu des miracles après sa mort, 67, notamment à Saint-Denis, mais aussi et surtout, d'abord, parce qu'il était, il a fait son métier de roi, en fait. Ça fait son métier d'homme d'État. Et en fait, l'idée qu'il laisse dans notre patrimoine invisible, jusqu'à nous, c'est l'idée de la légitimité. Pour lui, le pouvoir est un service, un sacrifice. Aujourd'hui, hélas, il est devenu une consommation. Et quand on pense à nos politiciens d'aujourd'hui qui font carrière, on pense à Saint-Louis qui fait le bien. Il fait le bien, ils font carrière. Vous voyez la différence. Entre les deux, il y en a sans doute quelques-uns aujourd'hui qui essaient de faire le bien. Quand même. Et donc, oui, mais enfin, la dominante dans la crise que nous vivons, la dominante, c'est quand même l'idée de l'hédonisme politique. Autant de Saint-Louis et pour un roi comme Saint-Louis... Ah ça, il n'y a pas d'hédonisme chez Saint-Louis. Il n'y a pas d'hédonisme, c'est le sacrifice. Il y a pas de facilité et de penchant vers le plaisir, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on lui reproche quand même Philippe de Villiers, et vous êtes pour le moins discret, vous, sur cet aspect, mais vous savez que depuis maintenant plusieurs décennies, on reproche à Saint-Louis son rôle contre les cathares, bien entendu, hein, et toute la pensée occitane reste meurtrie lorsqu'elle parle de son père et de lui-même, de Louis VIII et de Louis IX. Et puis, on lui reproche aussi un anti-judaïsme très, très violent. Alors, je réponds à ces deux questions. Sur les cathares, il arrive après. C'est quasiment... Il arrive après le gros de l'affaire. Puisque quand son père meurt à Montpensier, nous sommes en 1226. Mm-hmm. Mais lors d'un souper avec saint Thomas d'Aquin, il aborde cette question, plus générale des manichéens, et pour lui, l'évangile cathare partage le monde entre l'esprit et la chair. L'esprit, c'est Dieu, la chair est diabolique. Et donc, selon cet évangile, c'est un évangile de la désincarnation, la mort vaut plus que la vie, et le trépas volontaire est recommandé, et la procréation et le principe même de l'organisation de la société sont à bannir. Et donc, c'est pas simplement une affaire spirituelle, c'est aussi une affaire temporelle. Une affaire politique, disons-le. Oui, et en fait, sur le plan spirituel, ce sont les moines, les mendiants qui vont répondre aux cathares, et devenant leurs rivaux en frugalité. Donc, pour Saint-Louis, il y a une question spirituelle, mais il y a aussi une question temporelle. Il ne peut pas accepter la fin de la société temporelle telle qu'elle est présentée par l'évangile cathare. Pour ce qui concerne l'antijudaïsme, il faut bien voir qu'il y a une difficulté majeure qui est congénitale aux deux religions, ceux qui croient que le Messie est venu et ceux qui croient qu'il va venir. J'ai été intéressé, très intéressé, à l'idée que, en fait, lorsque Saint-Louis lance des enquêtes dans tout le royaume avant de partir à la croisade, il lit tous les rouleaux d'enquête, et j'ai lu, moi, les rouleaux d'enquête. Et il y a de nombreux rouleaux qui concernent des familles juives, notamment de Provence et de Poitiers, qui permettent à Saint-Louis de réparer des injustices qui ont été commises avant lui, ou par des baillis ou des prévôts. Et donc, il n'y a pas d'antipathie humaine. Et alors, loin de lui, évidemment, ce qu'on appelle aujourd'hui oui, l'antisémitisme. Non, c'est bien pour ça que j'ai dit antijudaïsme. Oui. Oui, il y a simplement, j'ai bien noté le mot que vous avez utilisé, il y a simplement un conflit entre deux religions qui porte justement sur le problème de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. J'aurais beaucoup aimé, mais hélas, le temps passe, j'aurais beaucoup aimé qu'on parle des femmes. Alors j'ai dit quelques mots de sa mère, Blanche de Castille. Vous avez, vous, évoqué un tout petit peu Marguerite. Un mot sur Marguerite. Bah écoutez, les auditrices qui nous écoutent, je leur livre le compliment que Saint-Louis, et en même temps à Céline, dans ce studio, le compliment que Saint-Louis fait à Marguerite lorsqu'il la découvre. Il dit « ce fut un éblouissement » et il ajoute « une enluminure de lavande au milieu d'un concert de cigales ». S'il y a des auditrices qui n'ont pas reçu un tel compliment de leur fiancé ou de leur mari, alors je les invite à lire mon livre pour le retrouver. Et Marguerite de Provence, elle est belle, elle est charmante, elle est beaucoup plus que ça. C'est la femme qui va, lorsque Saint-Louis craque au retour de la croisade et connaît la nuit obscure de l'âme et qu'il veut abdiquer, c'est elle qui lui dit « Louis, rex in glorius, rex tristis, mais rex in aeternum, vous êtes loin, Christos ». Philippe de Villiers, le roman de Saint-Louis, s'est publié chez Albin Michel. Merci beaucoup. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Stéphane, qui nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission, qui demande que représente l'enseigne des bars tabac, cette forme rouge en forme de losange. La carotte, voilà, hein, la carotte. Le losange rouge, bien tout simplement. Alors là, l'explication, elle est très simple. Ça remonte au 16e, 17e siècle, à l'époque où on utilise tant le tabac, où on le prise notamment. Vous savez, rappelez-vous le prologue de Don Juan, notamment. On fait sécher les feuilles de tabac et on les torse. torsade, ce qui fait qu'elles sont présentées chez les marchands sous forme de rouleaux qui rappellent vaguement la forme d'une carotte, et le vendeur râpait ou moulinait, selon les goûts du client, le tabac, selon qu'on voulait le fumer ou qu'on voulait le priser, tout simplement. Mais voilà d'où vient la carotte. Et puisque j'ai répondu très vite, j'ai le droit, je crois, de répondre à une deuxième question. C'est celle que nous posait Marcus à propos de Saint-Louis. Il voulait savoir d'où venait cet usage, ce qu'on appelle le mostetonicus, c'est-à-dire l'usage teuton, l'usage allemand. Ça consistait, lorsqu'un seigneur, et notamment un chevalier, mourait très loin de chez lui, et ça a été très pratiqué pendant les croisades, c'est exactement ce qui est arrivé à Saint-Louis lui-même, ou à son fils, dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on faisait bouillir le corps pour séparer les os des chairs, ce qui permettait de garder les os avant que tout ça ne soit putréfié, et d'envoyer les os dans un grand sac de cuir pour qu'ils soient inhumés et qu'ils reçoivent une sépulture normale. Voilà d'où vient ce mostetonicus. J'ai envie de dire aujourd'hui deux réponses pour le prix d'une. Bonjour Elena Mornin. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui avec les experts européens, je vous propose de vivre longtemps, mais surtout en bonne santé. Ça vous intéresse Franck? Oui, évidemment. Alors vous pourrez par exemple lire ou relire le dernier livre de Philippe de Villiers. Il paraît que ça contribue à retarder les premiers signes du vieillissement. Comment booster votre capital santé, et pas seulement, hein, Philippe. Comment rester jeune dans sa tête et dans son corps? Les réponses des experts. J'attends bien entendu vos questions, vos témoignages au 3921 ou sur europe1.fr. Voilà bien une émission dont vous n'avez pas besoin, vous. Oh, vous êtes trop sympa. Nous nous retrouvons demain, Céline. À demain, Franck. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.